La nuit tombe calme et profond, à de ce qu'il veille près au front. Les étoiles guident ses pas, dans l'ombre danse, rien ne se perdra. Le vent fredonne un vieux refrain, une promesse gravée dans le lointain. Les bas se ferment, chaque serrure claque, la team s'active, jamais ne craque. Les pièges se tendent à garder serrés. Dans ce monde sauvage, la peur est chassée. Chaque pas est calculé, chaque regard précis. Dans cette nuit noire, le silence est pris. Les murmures des feuilles portent les secrets. Ah, de ce qu'elle chante, fidèle et discret. Le grind continue malgré la fatigue. Dans la forêt, chaque heure est une intrigue. Les ombres dansent sous la lune claire. Une vigilance constante, un pacte solidaire. Veille du guerrier, la nuit est sacrée. Près de ce qu'il guide la team armée. Chaque bataille est un serment. Dans Russe la survie et le firmament. Nos voix s'élèvent fortes et fières, unies pour toujours. Défions la misère. Les assauts grondent, le bois tremble, les murs tiennent, la force rassemble. Le feu éclaire les visages tendus, mais la foi est là, jamais perdue. Chaque victoire est un chant. Cette nuit, chaque instant, les cœurs battent sous la voûte étoilée, les voix s'unissent, prêtes à lutter. Chaque combat forge des liens. Dans cette forêt, la force persiste, prête à avancer. Le vent s'élève, les tambours battent, nos voix s'entrelacent, la foi éclate. Le combat s'intensifie, la lumière guide dans cette nuit. La légende décide. Les pas reprennent, le combat s'enflamme. Radurskil crie, rallume la flamme. La team avance forte et fière. Dans cette guerre, rien ne défera. Les bases tiennent solides et claires. Chaque victoire est une lumière. Le calme revient, la nuit s'apaise, mais la vigilance jamais ne cesse. Chaque étoile éclaire la voie dans cette forêt. Force et loi. Les voix s'apaisent, le silence grandit. La flamme brûle, jamais ne s'éteint. Radeskil souffle. ce sanctuaire, la lutte va finir. Les sabots frappent, la forêt résonne, les voix s'élèvent, défiant la zone. Rider Skillman, la team suit. Dans cette lutte, rien ne fuit. La victoire s'approche, la guerre persiste. Dans ce monde sauvage, tout résiste. Veille du guerrier, la nuit est sacrée. Riders Skill guide la team armée. Chaque bataille est un serment. Dans Russe, la survie et le firmament. Nos voix s'élèvent, unies et fières, pour la victoire envers et contre la terre. La nuit s'éteint, l'aube revient. Dans le stream, une nouvelle ère s'écrit. Riders Skill avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte continue.